Chapitre 35e. La musique jouait dans le jardin de l'établissement des eaux à Piatigorsk, et les malades, ceux à qui leur état permettait la promenade, jouissaient de la beauté de l'après-midi. L'ombre bleue des hautes montagnes descendait tout autour dans les vallées, où le soleil avait jeté des paillettes jusqu'au fond des ruisseaux, et sa fraîcheur reposait les plantes et les hommes de la chaleur d'un jour de juillet. On a beau se trouver au Caucase, dans un des plus beaux pays du monde, à des centaines de lieues de l'Occident et de la vie mondaine, une ville d'eau n'est jamais qu'une ville d'eau. On y porte les mêmes costumes, on y apporte les mêmes vices, on en emporte les mêmes impressions que de la première station venue de France ou d'Allemagne. Qu'importe, en effet, que les fins visages des tchermesses aux moustaches noires, aux yeux de gazelle, aient remplacé les plates figures des quêteurs ou les cheveux trop pommadés des garçons. Qui regarde ces figures, simples objets de nécessité commune, et qui regarde le paysage après les deux premiers jours où il est convenu qu'on doit s'extasier sur la nature? Et à ce propos, on ignore peut-être combien il est dangereux de ne pas s'extasier sur la nature aux heures et aux jours où il est séant de le faire. Malheur à celui qui, préoccupé de quelque chagrin, de quelque souffrance morale ou physique, néglige de célébrer la splendeur de l'astre des nuits ou le charme des forêts, quand les autres jugent à propos de les célébrer. L'infortuné, fut-il poète, eut-il versé à pleine main le trop-plein de son âme dans ses tableaux, dans sa musique, dans ses poèmes, sera accusé d'avoir l'âme froide, de rester indifférent aux beautés de la nature, et par une duplicité épouvantable, de s'exalter à froid, enfin, pour employer un mot d'argot parisien, de faire de chic, ce qui, on en ignore, est le comble de l'ignominie. La princesse Rédine, dès le jour de son arrivée et même le lendemain, avait chanté aux vieilles montagnes l'hymne obligatoire. Cette formalité accomplie lui avait laissé beaucoup de liberté dans l'esprit, et elle avait aussitôt organisé sa maison sur un pied fort convenable. Elle habitait une belle villa, ornée de jardins en pente, avec des sources, des rochers, des arbres, des pelouses, et tout ce qui constitue une demeure aristocratique. Elle donnait de bons dîners 3 ou 4 fois par semaine, se montait extrêmement sévère sur le chapitre femme et n'admettait chez elle que des vertus notoirement constatées, soit par leur âge, soit par leur laideur, soit par une insignifiance qui les mettait à l'abri de tout soupçon. En fait d'homme, elle voyait à peu près tout le monde, par la raison bien simple qu'il est facile, sous 1000 prétextes, de ne plus recevoir un homme qu'on ne veut pas voir, tandis qu'avec les femmes, on se fait des inimitiés sanglantes si l'on adopte cette manière d'agir. La princesse Cléopâtre ne voulait recevoir à Moscou que des femmes de son monde, et la mise en action de ce principe faisait passer bien des soirées solitaires aux pauvres petites épouses d'officiers et de fonctionnaires, bannies d'un Éden où l'habit noir avait droit de cité. La princesse Cléopâtre venait de veiller à l'installation du prince à l'endroit le plus ombragé, le plus frais, le plus parfumé de tout le jardin de l'établissement des eaux. C'était un soin qu'elle ne confiait à personne. Le prince avait à sa portée de bons cigares, et son valet de chambre particulier prêt à satisfaire à toutes ses exigences. D'ailleurs, il avait l'air assez content de son sort, et sa femme pouvait bien prendre un moment de répit, après avoir déployé tant de zèle pour le bien-être de son époux. Aussi se promenait-elle en toute sécurité de conscience, avec l'air indifférent qui lui était propre, mais avec cette noblesse de port et de tenue qui la mettait bien au-dessus de tous les jugements, favorables ou non. Le comte Rabenne marchait à côté d'elle. Ils ne se parlaient guère, s'étant dit trop de choses pour qu'une conversation banale pût les intéresser. C'était une situation singulière que celle du comte Rabenne auprès de Cléopâtre. Elle l'avait caractérisée elle-même un jour par ces mots. « Vous êtes venu trop tôt sur la terre, ou bien c'est moi qui suis venu trop tard. Le monde vous a communiqué son expérience ?» Et vous me jugez avant de m'aimer. C'est ce que je ne puis admettre. Vous voulez être adoré les yeux fermés ? Avait demandé le diplomate. Mon cher, quand on adore, c'est toujours les yeux fermés. Non seulement les vôtres sont toujours ouverts, mais vous faites encore usage d'un pince-nez. C'est peut-être ce pince-nez qui avait empêché Cléopâtre d'accueillir les soupirs du comte. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait pas soupiré dans le sens ordinaire du mot. La cour qu'il faisait à la princesse ressemblait fort à une bataille réglée. Il sentait du reste que si jamais il devait triompher, c'est ainsi qu'il avait quelque chance de réussir. La jeune femme estimait son esprit, qu'elle sentait au moins égal au sien, et même, de temps en temps, elle avait un peu peur de l'œil perçant de son adorateur. Ils traitaient ensemble de puissance à puissance. Si jamais ils avaient pu s'aimer, c'eût été pour ne pas se haïr. Comme ils ne s'aimaient pas encore, il y a tout lieu de supposer qu'ils se haïssaient. Rabban était arrivé depuis quelques jours seulement, mais il ne lui en fallait pas si long pour déshabiller de la tête aux pieds, corps et âme, les êtres qui composaient la société des eaux. Deux seulement avaient arrêté sa verve critique. C'était Valérien Moutine et sa femme. Ceux-là aussi venaient à peine de prendre langue, mais le calme de Groucha et la noble assurance du docteur ne fournissaient pas matière à commérage. « Recevez-vous ces gens-là ? » demanda Rabban. « On est toujours forcé de recevoir le médecin des eaux, » répondit la princesse. « Il est fort bien. J'irai lui rendre sa visite un de ces quatre matins. » « Au docteur ou à sa femme ?» Cléopâtre haussa les épaules. « Je ne vous parle pas de sa femme, » dit-elle. « Une femme de docteur, cela n'existe pas. »« Celle-là existe pourtant assez pour qu'elle se défende si vous tentez de lui prendre son mari. » « Vous croyez ?» fit Cléopâtre avec un accent hautain. « Je voudrais bien voir cela, » ajouta-t-elle avec un rire dédaigneux. « Voyons, princesse, laissez ce joli petit ménage ajouter une foule de quartiers à sa lune de miel. Quand vous aurez détruit encore ce bonheur-là, en serez-vous plus avancée ?»« Je me soucie bien du bonheur des autres, » fit-elle avec mépris. « Le bonheur des autres, la belle affaire !» Rabban la regarda en dessous, elle reprit avec orgueil. « Vous me trouvez cynique. Osez dire que sur 100 individus, vous m'en garantissez un qui ne pense pas de même. Vous, le premier. Surtout, vous. La seule différence entre tout le monde et moi, c'est que les autres le cachent par hypocrisie et que moi, je vous le dis tout haut, par franchise. Cette franchise-là, princesse, s'appelle aussi du cynisme, » fit Rabban d'une voix douce comme la soie. « Cynisme, soit. Cela vaut mieux que l'hypocrisie. « Certainement, » fit le diplomate avec une exquise courtoisie. « Ce qui m'étonne, puis-je vous le dire, princesse, sans encourir votre colère ?»« Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, » répondit-elle avec ce dédain qui était une de ses originalités. « Après ce que nous nous sommes dit de vérité désagréable, je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de précautions. »« L'habitude, » fit Rabban pour s'excuser. « Eh bien, chère princesse, ce qui m'étonne, c'est que votre respect pour la vérité et votre cynisme, » dit tranquillement la princesse. C'est vous qui l'avez dit cette fois. Se borne à des professions de foi. C'est que dans la vie vous ayez un tel souci des convenances. C'est que vous soyez pour le prince une épouse accomplie. Elle s'arrêta, mit sa main nerveuse et souple sur le bras du diplomate, et le serra à lui faire mal. Si tout le monde était de notre force, mon cher, dit-elle, pendant qu'un rose passager montait à ses joues pâles, ce serait trop beau. C'est à la face des gens intelligents qu'il faudrait jeter le masque et agir selon ses pensées. Mais le monde est composé de niais, incapables de juger, capables tout au plus de se grouper comme des moutons effarés et de faire le vide autour d'une brebis galeuse. Galeuse pour n'avoir pas mis ses pieds dans leurs empreintes et cacher ses opinions comme ils cachent leurs vices. Le monde est bête, mon cher. Et voilà pourquoi je vous dis à vous ce que je pense, et pourquoi je leur cache à eux ce que je fais. » Elle retira sa main, et la rougeur de ses joues disparut subitement. L'expression hautaine revint à ses lèvres, et elle sourit avec la supériorité d'une femme qui n'a jamais eu de maître. « Est-ce vous qui m'en blâmerez ? » continua-t-elle en reprenant sa marche. « Vous, dont la vie entière est un mensonge ? » « La politique, » fit Rabban en souriant. Elle secoua la tête avec dédain. « Vous mentez, » reprit-elle, « par habitude, par goût, pour vous former le caractère, probablement, bien qu'à l'heure présente, ils doivent être formés ou jamais. Combien de fois m'avez-vous dit que vous m'aimez ? Et avec un accent pathétique encore. Ah, princesse, il y a longtemps que j'ai renoncé à l'accent pathétique, qui ne vous touchait pas. Le reste non plus, allez. Mensonge que tout cela, vous me haïssez. Je ne vous aime guère, et nous sommes les meilleurs amis du monde. N'êtes-vous pas venu tout exprès pour moi ? Vous êtes digne de tous les hommages, y compris les voyages. Allons, mon cher, laissons-nous tranquilles mutuellement. Je n'irai pas ravager votre diplomatie. Permettez-moi de vivre à ma guise. » Rabben s'inclina. La discussion était close. Ils continuèrent à marcher dans les jardins, rencontrant de temps à autre un visage de connaissance, échangeant un salut sans s'arrêter. Jamais la princesse ne s'arrêtait pour parler à personne. Elle trouvait cela du dernier bourgeois. Soudain, comme ils se rapprochaient de l'orchestre, Rabben assujettit son lorgnon et, sans changer de voix, sans indiquer la moindre surprise, « Vous êtes digne de tous les voyages, princesse, sans contredit. Voici quelqu'un qui vient de Moscou tout exprès. » Cléopâtre suivit la direction de son regard et aperçut Demian. Debout, tournant le dos à l'orchestre, il scrutait les rangs du public avec le soin d'un homme qui ne veut pas se tromper. Ce qu'il cherchait n'était évidemment pas la princesse. Il avait pu s'assurer du premier coup d'œil qu'elle n'était pas là. C'était quelque indice de sa présence, un visage de sa suite, de ceux qu'il avait vus au moment du départ et qu'il était sûr de n'avoir pas oublié. « Beau garçon, » dit le diplomate, toujours tranquille, « lui aviez-vous dit de venir ?» Elle fit un geste négatif et prit son lorgnon pour examiner Demian. « Plus beau que jamais. Qu'est-ce que vous allez en faire, princesse ?» Elle tourna le dos à l'assemblée et reprit le chemin de sa villa sans que personne se fût aperçu de sa présence. « Il est convenu, comte, que nous ne nous mêlerons pas des affaires l'un de l'autre, » lui dit-elle de sa voix calme et un peu chantante. « À moins que ce ne soit pour notre plus grand bien réciproque, » conclut-il, « et jamais sans permission. »« C'est ainsi que je l'entends, » répondit-elle, en poussant la petite porte de son jardin.